panneau annonce à 1000 mètres un créneau de dépassement ou une section de route à chaussée séparée. En aucun cas, il ne m'informe que je circulerai sur une autoroute. En revanche, il est certain que les dépassements seront possibles et je serai dans un sens unique. La vitesse sera peut-être relevée à 110 km/h. Mais on rencontre encore quelques routes à double sens de circulation, comportant quatre voies séparées par une ligne continue, où la vitesse reste limitée à 90 km/h. Réponse B et C.